Bienvenue sur ActuVu, le podcast des étudiantes et étudiants de l'EJT qui résume l'actualité de la semaine. Aujourd'hui, nous avons beaucoup à dire, à commencer par la France, où le parti de Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, est désormais classé d'extrême gauche. En inter, on vous propose une édition spéciale sur la guerre en Iran qui s'étend de plus en plus. Et puis, en éco-société, on parlera de la France encore qui bat tous les records en termes de surpopulation carcérale. Nous fêterons plusieurs anniversaires côté sport et culture avant d'écouter les suggestions de notre chère Guizane pour devenir incollable sur l'actu. Mais l'heure est au fluo de Jean Combe. Jean Combe, c'est à toi. Quelles infos faut-il retenir cette semaine ? Les tempêtes Niels et Pedro ont entraîné des dégâts records, estimés à près d'1,2 milliard d'euros. Ces tempêtes avaient balayé l'ouest et le sud-ouest de la France en février et provoqué des pluies, des inondations et des crues également records. Cette estimation a été donnée par France Assureur et la Caisse Centrale de Réassurance lundi dernier. Depuis le 1er mars, les mesures du projet de loi de finances pour 2026 entrent en vigueur. Les colis de moins de 150 euros venus d'un pays hors de l'Union européenne sont désormais soumis à une taxe de 2 euros. Côté santé, les frais d'hébergement et d'entretien laissés aux patients hospitalisés augmentent. Elles passent de 20 à 23 euros par jour. Et saisir un tribunal civil ou les prud'hommes coûtera désormais 50 euros. Cette mesure est d'ailleurs critiquée par plusieurs collectifs d'avocats. L'auteur du tir qui a entraîné la mort de Naël Merzouk est renvoyé devant la cour criminelle. Le policier avait tiré à bout portant sur Naël après un refus d'obtempérer à Nanterre en 2023. Les faits ont été requalifiés jeudi en violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner et non plus pour meurtre par la cour d'appel de Versailles. Tariq Ramadan est sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Il était absent à l'ouverture de son procès à la cour criminelle de Paris lundi dernier. L'islamologue suisse est jugé pour des viols sur trois femmes en France, de 2009 à 2016. Ses avocats ont justifié son absence par son hospitalisation en Suisse, mais selon le rapport d'expertise médicale rendu vendredi, il peut comparaître et sera jugé par défaut, présent ou non. Le procès a été reporté à jeudi prochain. Le conflit armé entre le Hezbollah libanais et Israël a repris lundi, sur fond d'escalade dans la région, notamment avec l'Iran, que Daphné vous expliquera dans sa chronique. Plus de 31 000 Libanais du sud du pays ont été évacués. À la demande de Beyrouth, la France va intervenir, humanitairement et diplomatiquement. Les frappes israéliennes ont provoqué la mort de 52 personnes. Les Jeux paralympiques sont officiellement ouverts. La cérémonie d'ouverture a eu lieu hier à Vérone, sans délégation du gouvernement français, pour contester le retour des délégations russes et biélorusses à la cérémonie. La ministre française des Sports, Marina Ferrari, espère des Jeux riches en médailles. L'objectif pour nos para-athlètes, le top 5 avec 18 médailles, 6 de plus qu'au dernier jeu à Pékin en 2022. Et nous avons encore des choses à vous dire en France. Debout ! Macron, il a récupéré tous les tocards de la politique. Moi ! Mais qui elle est, celle-là ? Quelle indignité. La guerre fait rage entre l'Iran et les États-Unis et Israël. Depuis la riposte iranienne, le conflit s'étend désormais jusqu'aux pays du Golfe. L'Europe y a d'ores et déjà réagi et condamne ces attaques. Daniel, comment la France se positionne face au conflit ? Eh bien, c'est une position plutôt ambivalente. Maud Bréjon, porte-parole du gouvernement, a félicité la mort du dictateur iranien Khamenei, mort après les bombardements américains et israéliens. Pourtant, la France a condamné l'intervention américaine. Depuis les premières manifestations en Iran en janvier dernier, le gouvernement a pendant longtemps renoncé à une guerre contre l'Iran. D'ailleurs, Emmanuel Macron a expliqué que la France n'a pas été prévenue ni impliquée dans ces opérations. Mais concrètement, quelles sont les actions de la France sur le plan militaire ? Le pays va s'engager de manière défensive, selon Emmanuel Macron. Pendant une allocution télévisée, le président de la France a expliqué qu'il enverrait un porte-avions, le porte-avions Charles de Gaulle, en Méditerranée orientale pour restaurer la paix le plus vite possible. Des rafales et systèmes de défense anti-aérienne ont également été envoyés pour défendre les pays alliés qui sont le Koweït, le Qatar et les Émirats arabes unis. La France Insoumise a été classée comme un parti d'extrême gauche, une première depuis la création du parti en 2016. Mais alors, qui décide concrètement du classement politique d'un parti ? Alors, pour les municipales, ce sont d'abord les préfets qui décident de la nuance politique d'un parti. Et ça concerne même les candidats qui se disent sans étiquette. Et c'est pour ça que vous voyez régulièrement les divers gauches ou même divers droites. En ce qui concerne LFI, c'est le ministère de l'Intérieur qui a classé le parti comme d'extrême gauche. La France Insoumise a alors déposé un recours devant le Conseil d'État et il a confirmé vendredi dernier la décision du ministère. Alors, c'est un peu une surprise parce qu'en 2024, le Conseil d'État avait classé LFI comme un parti de gauche. Et j'imagine que Jean-Luc Mélenchon n'a pas été ravi par cette décision. Ah ça, je peux te le garantir. Sur les réseaux sociaux, le président du parti a dénoncé une république bananière et un trouble à l'ordre public. Le Conseil d'État a également placé le parti UDR, créé par Éric Ciotti, comme un parti d'extrême droite. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a d'ailleurs annoncé réunir les partis politiques à Matignon mercredi. L'objectif est notamment de les informer de l'état de la menace et du positionnement de la France face à la guerre au Moyen-Orient. God save the king. Sono una donna, sono una madre, sono italiana. I have a dream. Be you, be proud of you. Toujours sur la guerre en Iran, menée par les États-Unis et Israël. Daphné, ce conflit n'est pas nouveau finalement, il dure depuis plus d'un demi-siècle. Et oui, et pour comprendre les racines de cet affrontement, il faut remonter en 1948, après la création d'Israël. À l'époque, l'État hébreu développe dans la centrale nucléaire de Dimona un programme militaire secret. Les pays occidentaux estiment alors que dès la fin des années 60, Israël maîtrise la production de la bombe atomique. Le pays se sert de cette capacité pour se défendre, car beaucoup de ses voisins ne reconnaissent pas l'existence de l'État hébreu. Posséder l'arme nucléaire est donc une assurance vie pour le régime face à des menaces existentielles. Mais l'État hébreu et son allié américain s'inquiètent d'une prolifération nucléaire. Si jusqu'ici les relations entre Israël et l'Iran étaient au beau fixe, tout a basculé en 1979. Cette année-là, c'est la révolution islamique. L'ayatollah Khomeini prend le pouvoir en Iran et la République islamique en profite pour reprendre discrètement ses recherches sur l'atome. Au début des années 2000, l'Iran est donc jugé comme une menace pour la stabilité du Moyen-Orient. Depuis, l'État hébreu n'a qu'un seul objectif, retarder l'accès de Téhéran à l'arme nucléaire. Pour cela, tous les moyens sont bons. Actions souterraines, assassinats ciblés et sabotage, des années d'opérations secrètes qui n'ont pas pour autant stoppé le programme nucléaire iranien. La guerre, si longtemps secrète, est aujourd'hui une guerre ouverte depuis les frappes israéliennes. Et en guise de réponse, l'Iran élargit le conflit. Téhéran a en effet visé les pays du Golfe car ils abritent des intérêts américains. L'Iran vise en fait les infrastructures stratégiques et économiques de Washington, une façon de faire pression sur l'allié d'Israël dans le but de mettre fin aux hostilités. En parallèle, Téhéran doit aussi trouver un nouveau guide suprême car souvenez-vous, le 28 février dernier, l'ayatollah Ali Khamenei a été tué dans des frappes israélo-américaines. Et c'est le deuxième fils d'Ali Khamenei qui est pressenti pour reprendre le pouvoir. Retournons maintenant en France, qui n'a visiblement rien à envier côté éco-société. Et le ministre radical est en colère. Combien ? This is Elon Musk. La surpopulation carcérale atteint des sommets. Loubna, un nouveau record a été dépassé. Oui, les prisons françaises comptaient 86 645 détenus au 1er février 2026. Le taux de densité carcérale atteint les 136,9%. Et je vous conseille de retenir ce chiffre parce que ça peut tomber au concours. Cette surpopulation concerne principalement les maisons d'arrêt. Donc ce sont des endroits où sont incarcérés les détenus à courte peine, ainsi que les détenus présumés innocents et en attente de jugement. D'ailleurs, la France est considérée comme l'un des pires pays européens en matière de surpopulation carcérale. Oui, on est le troisième plus mauvais élève européen, précisément, juste sous la Slovénie et Chypre. Fin janvier, le Comité européen pour la prévention de la torture, ou CPT, du Conseil de l'Europe, a dénoncé l'état des prisons françaises. Il a alerté dans un rapport sur le risque d'une évolution vers un entrepôt humain. Les détenus vivent dans des conditions insalubres, certains dorment sur un matelas au sol, il y a aussi un sous-effectif de surveillants. Et la France est aussi pointée du doigt pour son commerce d'uranium avec la Russie. Des militants de Greenpeace ont bloqué un cargo, le Mikhaïl Dudin, dans le port de Dunkerque. Ils soupçonnaient le navire de transporter de l'uranium, le combustible des centrales nucléaires, depuis la Russie. L'ONG dénonce le fait que le commerce d'uranium entre Paris et Moscou continue malgré la guerre en Ukraine. Et puis le PIB par habitant français est en dessous de la moyenne européenne en 2024. Oui, et ce pour la troisième année consécutive. Ces données émanent d'Eurostat, l'Office de statistiques européen. Pour rappel, et si on vous demande la définition au concours, le produit intérieur brut est un indicateur du niveau de richesse. Il mesure la valeur de tous les biens et services produits dans un pays sur une année. En France, le PIB par habitant s'élève à environ 38 000 euros. Merci Loubna, beaucoup de chiffres à retenir aujourd'hui. Soyez rassurés, il n'y en aura pas autant en rubrique Culture Sport. Moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi tu me parles pas d'âge. I recoupe the ball. Pénélope, on a dit pas trop de chiffres, mais je vois qu'aujourd'hui on fête beaucoup d'anniversaires, et le tien d'ailleurs, joyeux anniversaire. Oh merci Lauriane, et oui, on souhaite un joyeux anniversaire aussi à Pokémon. La licence a fêté ses 30 ans le 27 février. Au commencement, en 1996, il y avait un jeu vidéo japonais mettant en scène la capture, l'élevage et la confrontation de bestioles mi-monstres, mi-peluches. Phénomène mondial de pop culture, c'est l'une des licences les plus rentables de l'histoire. Jeux vidéo, cartes à collectionner, séries animées, la franchise dépasse désormais les 126 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Des boutiques spécialisées dans la franchise ont ouvert ces 5 dernières années en France. Et pour cause, c'est une franchise qui attire toujours plus de monde. Par exemple, une carte Pikachu Illustrator a été vendue, tenez-vous bien, pour 16,5 millions de dollars par l'influenceur Logan Paul. Établissement un record absolu pour des cartes à jouer, toutes collections confondues. J'espère que vous avez le sens de la fête, car on célèbre un autre anniversaire. Oui, décidément, c'est les 80 ans du journal L'Équipe. Le journal existe depuis le 28 février 1946. Le quotidien a lancé les festivités qui vont durer toute l'année, en commençant par un numéro hors norme de 96 pages qui est sorti le 28 février. L'Équipe fera par ailleurs rayonner cet anniversaire sur le digital, avec notamment un habillage graphique dédié sur le site et l'application, mais également la mise en place d'un onglet 80 ans et un quiz spécial 80 ans que les internautes pourront tester. Allez, fini les anniversaires, on va parler d'un film sorti mercredi en salle qui fait polémique. Oui, inspiré d'une histoire vraie, le film Christy retrace l'ascension tumultueuse de la boxeuse Christy Martin, qui est passée de l'anonymat à la célébrité, et c'est en réalité l'actrice qui incarne Christy qui fait polémique. Sydney Sweeney a posé pour une campagne publicitaire de jeans il y a quelques mois, qui jouait sur la similitude sonore des mots « jeans » et Jean, donc Jeans et Jen en anglais. Certains internautes ont souligné le caractère eugéniste de la publicité et la complicité que l'actrice prêtait à son message. D'ailleurs, le biopic sorti le 7 novembre dernier aux États-Unis a été un échec au box-office, ce qui n'a valu aucune nomination pour l'actrice lors des cérémonies américaines et des prochains Oscars. On passe à nos recommandations pour approfondir tous ces sujets d'actualité, certains plus complexes que d'autres. Absolument tout ce qui fait de vous ce que vous êtes peut faire de vous un bon journaliste. Colin, c'est quoi ton journal préféré ? Concrètement, qu'est-ce que le jury peut nous demander ? À force, vous ne ferez plus qu'un avec l'actu. Mais messieurs, dames, aficionados de l'audiovisuel, j'ai tout de même quelques définitions pour vous. Maintenant, à vos carnets et à vos stylos. Dizane, qu'est-ce que tu nous recommandes cette semaine ? Bien, l'actu du Moyen-Orient est chargée, hein, alors j'ai choisi de quoi y voir un peu plus clair. Focus sur l'Iran cette semaine, déjà en vidéo. Sur YouTube, cherchez la chaîne de Public Sénat. Ils ont publié une vidéo il y a quelques jours sur la place de l'Europe dans ce conflit. Elle s'intitule « Moyen-Orient, l'Europe enrôlée malgré elle ». Alors c'est assez pointu déjà. Alors pour vraiment comprendre les enjeux et la situation, je vous propose de jeter un coup d'œil au 18-20 de France Inter de jeudi. Ils ont fait un focus sur l'Iran. Donc dans ces deux heures, il y a l'émission « Un jour dans le monde » animée par Fabienne Sintès. Elle est très pédagogue, très claire. Et son invité, c'est Yves Bertoncini, qui est enseignant et consultant en affaires européennes. Donc là, c'est 40 minutes sur la division de l'Europe face au conflit. Tout ça, ça se complète avec le téléphone sonne. Donc ça, c'est les questions des auditeurs. Ça permet vraiment de bien comprendre, c'est très simplifié. Et si c'est trop long pour vous, deux heures, vous pouvez choisir quel bout précis écouter sur la grille de l'appli Radio France. Puis une BD pour finir, elle s'appelle Persepolis. C'est l'autobiographie de Marjane Satrapi. Elle, c'est une artiste franco-iranienne. Elle raconte son enfance et sa jeunesse à Téhéran pendant la révolution islamique, puis son exil en Europe. C'est un récit riche qui mêle anecdotes, réflexions sur les luttes politiques, la censure, la liberté ou encore la résistance. Marjane Satrapi, elle a aussi été directrice artistique du livre « Femme, vie, liberté ». C'est un livre qui a été publié en 2023, qui raconte la révolte iranienne déclenchée par la mort de Mahsa Amini. Elle avait été tuée le 16 septembre 2022 par la police des mœurs du régime car elle ne portait pas bien son foulard. Oui, le pays s'était révolté dans la foulée et a été réprimé. Et c'est la fin de ce 15e épisode. J'espère qu'il vous aidera pour les concours qui pour certains ont déjà commencé d'ailleurs. Alors courage, donnez le meilleur de vous-même. Un grand merci à toute l'équipe pour son travail. Sans oublier Elsa à la régie et JC au montage. On se retrouve samedi prochain pour un nouvel épisode d'ActuVu. À bientôt.